Ah, pour un démocrate, vous êtes bien dur, dit Frédéric. Sénécal répondit magistralement. La démocratie n'est pas le dévergondage de l'individualisme. C'est le niveau commun sous la loi, la répartition du travail, l'ordre. Vous oubliez l'humanité, dit Frédéric. Madame Arnoux prit son bras. Sénécal, offensé peut-être de cette approbation silencieuse, s'en alla. Frédéric a ressenti un immense soulagement. Depuis le matin, il cherchait l'occasion de se déclarer. Elle était venue. D'ailleurs, le mouvement spontané de Madame Arnoux lui semblait contenir des promesses, et il demanda, comme pour se réchauffer les pieds, à monter dans sa chambre. Mais, quand il fut assis près d'elle, son embarras commença. Le point de départ lui manquait. Sénécal, heureusement, vint à sa pensée. Rien de plus sot, dit-il, que ces punitions. Madame Arnoux reprit. Il y a des sévérités indispensables. Comment? Vous qui êtes si bonne. Oh, je me trompe, car vous vous plaisez quelquefois à faire souffrir. Je ne comprends pas les énigmes, mon ami. Et son regard austère, plus encore que le mot, l'arrêta. Frédéric était déterminé à poursuivre. Un volume de Musset se trouvait par hasard sur la commode. Il en tourna quelques pages, puis se mit à parler de l'amour, de ses désespoirs et de ses emportements. Tout cela, suivant Madame Arnoux, était criminel ou factice. Le jeune homme se sentit blessé par cette négation, et, pour la combattre, il cita en preuve les suicides qu'on voit dans les journaux, exalta les grands types littéraires, Phèdre, Didon, Roméo, Desgrieux. Il s'enferrait. Le feu dans la cheminée ne brûlait plus. La pluie fouettait contre les vitres. Madame Arnoux, sans bouger, restait les deux mains sur les bras de son fauteuil. Les pattes de son bonnet tombaient comme des bandelettes d'un sphinx. Son profil pur se découpait en pâleur au milieu de l'ombre. Il avait envie de se jeter à ses genoux. Un craquement se fit dans le couloir. Il n'osa. Il était empêché d'ailleurs par une sorte de crainte religieuse. Cette robe, se confondant avec les ténèbres, lui paraissait démesurée, infinie, insoulevable. Et précisément, à cause de cela, son désir redoublait. Mais la peur de faire trop et de ne pas faire assez lui ôtait tout discernement. Si je lui déplais, pensait-il, qu'elle me chasse. Si elle veut de moi, qu'elle m'encourage. Il dit en soupirant. Donc, vous n'admettez pas qu'on puisse aimer une femme? Madame Arnoux répliqua. Quand elle est à marier, on l'épouse. Lorsqu'elle appartient à un autre, on s'éloigne. Ainsi, le bonheur est impossible. Non, mais on ne le trouve jamais dans le mensonge, les inquiétudes, le remords. Qu'importe, s'il est payé par des joies sublimes. L'expérience est trop coûteuse. Il voulut l'attaquer par l'ironie. La vertu ne serait donc que de la lâcheté. Dites de la clairvoyance, plutôt. Pour celle même qui oublierait le devoir ou la religion, le simple bon sens peut suffire. L'égoïsme fait une base solide à la sagesse. Ah, quelle maxime bourgeoise vous avez! Mais je ne me vante pas d'être une grande dame. À ce moment-là, le petit garçon accourut. Maman, viens-tu dîner? Oui, tout à l'heure. Frédéric se leva. En même temps, Marthe parut. Il ne pouvait se résoudre à s'en aller. Et avec un regard, tout plein de supplications. Ces femmes dont vous parlez sont donc bien insensibles. Non, mais sourdes quand il le faut. Et elle se tenait debout, sur le seuil de sa chambre, avec ses deux enfants à ses côtés. Il s'inclina sans dire un mot. Elle répondit silencieusement à son salut.